Nouvelles amours. L'ermitage du jardin des plantes. Je ne savais pas lire, je portais des culottes fendues, je pleurais quand ma bonne me mouchait et j'étais dévorée par l'amour de la gloire. Telle est la vérité, dans l'âge le plus tendre, je nourrissais le désir de m'illustrer sans retard et de durer dans la mémoire des hommes. J'en cherchais les moyens tout en déployant mes soldats de plomb sur la table de la salle à manger. Si j'avais pu, je serais allé conquérir l'immortalité dans les champs de bataille, et je serais devenu semblable à quelqu'un de ces généraux que j'agitais dans mes petites mains et à qui je dispensais la fortune des armes sur une toile cirée. Mais il n'était pas en moi d'avoir un cheval, un uniforme, un régiment et des ennemis, toutes choses essentielles à la gloire militaire. C'est pourquoi je pensais devenir un saint. Cela exige moins d'appareil et rapporte beaucoup de louanges. Ma mère était pieuse. Sa piété, comme elle aimable et sérieuse, me touchait beaucoup. Ma mère me lisait souvent la vie des saints, que j'écoutais avec délices et qui remplissait mon âme de surprise et d'amour. Je savais donc comment les hommes du Seigneur s'y prenaient pour rendre leur vie précieuse et pleine de mérite. Je savais quelle céleste odeur répandent les roses du martyr. Mais le martyr est une extrémité à laquelle je ne m'arrêtais pas. Je ne songeais pas non plus à l'apostolat et à la prédication qui n'étaient guère dans mes moyens. Je m'en tins aux austérités comme étant d'un usage facile et sûr. Pour m'y livrer sans perdre de temps, je refusai de déjeuner. Ma mère, qui n'entendait rien à ma nouvelle vocation, me crut souffrant et me regarda avec une inquiétude qui me fit de la peine. Je n'en jeûnai pas moins. Puis, me rappelant Saint-Siméon Stylite, qui vécut sur une colonne, je montai sur la fontaine de la cuisine, mais je ne pus y vivre, car Julie, notre bonne, m'en délogea promptement. Descendue de ma fontaine, je m'élançai avec ardeur dans les chemins de la perfection et résolus d'imiter Saint-Nicolas de Patras, qui distribua ses richesses aux pauvres. La fenêtre du cabinet de mon père donnait sur le quai. Je jetai par la fenêtre une douzaine de sous qu'on m'avait donnés parce qu'ils étaient neufs et qu'ils reluisaient. Je jetai ensuite des billes et des toupies et mon sabot avec son fouet de peau d'anguille. Cet enfant est stupide! S'écria mon père en fermant la fenêtre. J'éprouvai de la colère et de la honte à m'entendre juger ainsi. Mais je considérais que mon père, n'étant pas saint comme moi, ne partageait pas avec moi la gloire des bienheureux. Et cette pensée me fut une grande consolation. Quand vint l'heure de m'en aller promener, on mit mon chapeau, j'en arrachai la plume à l'exemple du bienheureux Labre, qui, lorsqu'on lui donnait un vieux bonnet tout crasseux, avait soin de le traîner dans la fange avant de le mettre sur sa tête. Ma mère, en apprenant l'aventure des richesses et celle du chapeau, haussa les épaules et poussa un gros soupir. Je l'affligeais vraiment. Pendant la promenade, je tins les yeux baissés pour ne pas me laisser distraire par les objets extérieurs, me conformant ainsi à un précepte souvent donné dans la vie des saints. C'est au retour de cette promenade salutaire que, pour achever ma sainteté, je me fis ainsi lisse en me fourrant dans le dos le crin d'un vieux fauteuil. J'en éprouvai de nouvelles tribulations, car Julie me surprit au moment où j'imitais ainsi les fils de saint François. S'arrêtant à l'apparence, sans pénétrer l'esprit, elle vit que j'avais crevé un fauteuil et me fait ça par simplicité. En réfléchissant aux pénibles incidents de cette journée, je reconnus qu'il était bien difficile de pratiquer la sainteté dans la famille. Je compris pourquoi les saints Antoine et Jérôme s'en étaient allés au désert parmi les lions et les agipans, et je résolus de me retirer dès le lendemain dans un ermitage. Je choisis pour m'y cacher le labyrinthe du jardin des plantes. C'est là que je voulais vivre dans la contemplation, vêtu comme saint Paul l'ermite, d'une robe de feuilles de palmier. Je pensais, il y aura dans ce jardin des racines pour ma nourriture. On y découvre une cabane au sommet d'une montagne. Là, je serai au milieu de toutes les bêtes de la création, Le lion qui creusa de ses ongles la tombe de Sainte Marie l'Égyptienne viendra sans doute me chercher pour rendre les devoirs de la sépulture à quelque solitaire des environs. Je verrai, comme cet Antoine, l'homme au pied de bouc et le cheval au buste d'homme, et peut-être que les anges me soulèveront de terre en chantant des cantiques. Ma résolution paraîtra moins étrange quand on saura que depuis longtemps le jardin des plantes était pour moi un lieu saint, assez semblable au paradis terrestre, que je voyais figurer sur ma vieille Bible en estampe. Ma bonne m'y menait souvent, et j'y éprouvais un sentiment de sainte allégresse. Le ciel même m'y semblait plus spirituel et plus pur qu'ailleurs, et dans les nuages qui passaient sur la volière des haras, sur la cage du tigre, sur la fosse de l'ours et sur la maison de l'éléphant, je voyais confusément Dieu le Père, avec sa barbe blanche et dans sa robe bleue, le bras étendu pour me bénir avec l'antilope et la gazelle, le lapin et la colombe, et quand j'étais assis sous le cèdre du Liban, je voyais descendre sur ma tête, à travers les branches, les rayons que le Père éternel laissait échapper de ses doigts. Les animaux qui mangeaient dans ma main en me regardant avec douceur me rappelaient ce que ma mère m'enseignait d'Adam et des jours de l'innocence première. La création réunit là, comme jadis dans la maison flottante du patriarche, se reflétait dans mes yeux toute parée de grâce enfantine. Et rien ne me gâtait mon paradis. Je n'étais pas choquée d'y voir des bonnes, des militaires et des marchands de coco. Au contraire, je me sentais très heureux près de ces hommes et de ces petits, moi le plus petit de tous. Tout me semblait clair, aimable et bon, parce que, avec une candeur souveraine, je ramenais tout à mon idéal d'enfant. Je m'endormis dans la résolution d'aller vivre au milieu de ce jardin pour acquérir des mérites et devenir l'égal des grands saints dont je me rappelais l'histoire fleurie. Le lendemain matin, ma résolution était ferme encore. J'en instruisis ma mère. Elle se mit à rire. « Qui t'a donné l'idée de te faire ermite sur le labyrinthe du jardin des plantes ?» me dit-elle en me peignant les cheveux et en continuant de rire. « Je veux être célèbre, répondis-je, et mettre sur mes cartes de visite ermite et saint du calendrier, comme papa met sur les siennes lauréat de l'Académie de médecine et secrétaire de la Société d'anthropologie. » À ce coup, ma mère laissa tomber le pin qu'elle passait dans mes cheveux. « Pierre !» s'écriait-elle. « Pierre ! Quelle folie et quel péché ! Je suis bien malheureuse, mon petit garçon a perdu la raison à l'âge où l'on n'en a pas encore. » Puis se tournant vers mon père, « Vous l'avez entendu, mon ami, à 7 ans, il veut être célèbre. » « Cher ami, répondit mon père, vous verrez qu'à 20 ans, il sera dégoûté de la gloire. » « Dieu le veuille, dit ma mère, je n'aime point les vaniteux. » Dieu l'a voulu, et mon père ne se trompait pas. Comme le roi d'Yvetot, je vis fort bien, sans gloire, et n'ai plus la moindre envie de graver le nom de Pierre Nozière dans la mémoire des hommes. Toutefois, quand maintenant je me promène avec mon cortège de souvenirs lointains dans ce jardin des plantes, bien attristé et bien abandonné, il me prend une incompréhensible envie de conter aux amis inconnus le rêve que je fis jadis d'y vivre en anachorète, comme si ce rêve d'enfant pouvait, en se mêlant aux pensées d'autrui, y faire passer la douceur d'un sourire. C'est aussi pour moi une question de savoir si vraiment j'ai bien fait de renoncer dès l'âge de 6 ans à la vie militaire, car le fait est que je n'ai pas songé depuis à être soldat. Je le regrette un peu. Il y a sous les armes une grande dignité de vie. Le devoir y est clair et d'autant mieux déterminé que ce n'est pas le raisonnement qui le détermine. L'homme qui peut raisonner ses actions découvre bientôt qu'il en est peu d'innocente. Il faut être prêtre ou soldat pour ne pas connaître les angoisses du doute. Quant au rêve d'être un solitaire, je l'ai refait toutes les fois que j'ai cru sentir que la vie était foncièrement mauvaise. C'est dire que je l'ai fait chaque jour. Mais chaque jour, la nature me tira par l'oreille et me ramena aux amusements dans lesquels s'écoulent les humbles existences. Le Père le Beau. On trouve dans les mémoires de Henri N., des portraits d'une réalité frappante qu'enveloppe pourtant une sorte de poésie. Tel est le portrait de Simon de Gueldern, oncle du poète. C'était, dit Henri N., un original de l'extérieur le plus humble et aussi le plus bizarre, une petite figure placide, un visage pâle et sévère, dont le nez avait une rectitude grecque, bien qu'il fût assurément d'un tiers plus long que les Grecs n'avaient l'habitude de porter leur nez. Il allait toujours vêtu d'après une mode surannée, portait des culottes courtes, des bas de soie blancs, des souliers à boucles, et selon l'ancienne coutume, une queue assez longue. Lorsque ce petit bonhomme trottait à pas menus à travers les rues, sa queue sautillait d'une épaule sur l'autre, faisait des cabrioles de toutes sortes, et semblait se moquer de son propre maître derrière son dos. Ce bonhomme avait l'âme la plus magnanime, et sa petite redingote terminée en queue de bergeronnette enveloppait le dernier des chevaliers. Ce chevalier, toutefois, ne fut point errant. Il resta chez lui à Düsseldorf, dans l'Arche de Noé. C'est le nom que portait la petite maison patrimoniale, à cause de l'arche que l'on voyait joliment sculptée sur la porte et peinte en couleurs voyantes. Là, il put s'adonner sans repos à tous ses goûts, à tous ses enfantillages d'érudition, à sa bibliomanie et à sa rage d'écrivailler principalement dans les gazettes politiques et les revues obscures. C'est par le zèle du bien public que le pauvre Simon de Gueldern était poussé à écrire. Il y peinait beaucoup. Penser seulement lui coûtait des efforts désespérés. Il se servait d'un vieux style roide qu'on lui avait enseigné dans les écoles de jésuites. Ce fut justement cet oncle, nous dit Henri N., qui exerça une grande influence sur la culture de mon esprit et auquel, sur ce point, je suis infiniment redevable. Si différente que fut notre manière de voir, ses aspirations littéraires, pitoyables d'ailleurs, contribuèrent peut-être à éveiller en moi le désir d'écrire. La figure du vieux Gueldern m'en rappelle une autre qui, n'existant celle-là que par mes propres souvenirs, semblera pâle et sans charme. À la vérité, je n'en saurais jamais faire un de ces portraits à la fois fantastiques et vrais dont Rembrandt et Heine eurent le secret. C'est dommage. L'original méritait un savant peintre. Oui, j'eus aussi mon Simon de Gueldern pour m'inspirer dès l'enfance l'amour des choses de l'esprit et la folie d'écrire. Il se nommait le beau. C'est peut-être à lui que je dois de barbouiller depuis 15 ans du papier avec mes rêves. Je ne sais si je peux l'en remercier. Du moins, il n'inspira à son élève qu'une manie innocente comme la sienne. Sa manie était de faire des catalogues. Il cataloguait. Je l'admirais, et à 10 ans, je trouvais plus beau de faire des catalogues que de gagner des batailles. Je me suis depuis un peu gâté le jugement, mais au fond, je n'ai pas changé d'avis autant qu'on pourrait croire. Le père le beau, comme on l'appelait, me semble encore digne de louange et d'envie, et si parfois il m'arrive de sourire en pensant à ce vieil ami, ma gaieté est tout affectueuse et tout attendrie. Le père Lebeau était fort vieux quand j'étais fort jeune, ce qui nous permit de nous entendre très bien ensemble. Tout en lui m'inspirait une curiosité confiante. Ses lunettes chaussées au bout du nez qu'il avait gros et rond, son visage rose et plein, ses gilets à fleurs, sa grande douillette dans les poches béantes regorgées de bouquins, sa personne entière, vous avez une bonhomie relevée par un grain de folie. Il se coiffait d'un chapeau bas à grands bords autour desquels ses cheveux blancs s'enroulaient comme le chèvrefeuille aux balustrades des terrasses. Tout ce qu'il disait était simple, court, varié, en images, ainsi qu'un conte d'enfant. Il était naturellement puéril et m'amusait sans s'efforcer en rien. Grand ami de mes parents, et voyant en moi un petit garçon intelligent et tranquille, il m'encourageait à l'aller voir dans sa maison, où il n'était guère visité que par les rats. C'était une vieille maison, bâtie de côté sur une rue étroite et monstrueuse qui mène au jardin des plantes, et où je pense qu'alors tous les fabricants de bouchons et tous les tonneliers de Paris étaient réunis. On y sentait une odeur de bouc et de futailles que je n'oublierai de ma vie. On traversait, conduit par Nanon, la vieille servante, un petit jardin de curé. On montait le perron et l'on entrait dans le logis le plus extraordinaire. Des momies rangées tout le long de l'antichambre vous faisaient accueil. Une d'elles était renfermée dans sa gaine dorée, d'autres n'avaient plus que des linges noircis autour de leur corps desséché. Une enfin, dégagée de ses bandelettes, regardait avec des yeux d'émail et montrait ses dents blanches. L'escalier n'était pas moins effrayant. Des chaînes, des carcans, des clés de prison plus grosses que le bras pendaient au mur. Le père Lebeau était de force à mettre comme Bouvard un vieux gilet dans sa collection. Il possédait du moins l'échelle de Latude et une douzaine de belles poires d'angoisse. Les quatre pièces de son logis ne différaient point les unes des autres. Des livres y montaient jusqu'au plafond et couvraient les planches pêle-mêle avec des cartes, des médailles, des armures, des drapeaux, des toiles enfumées et des morceaux mutilés de vieilles sculptures en bois ou en pierre. Il y avait là, sur une table boiteuse et sur un coffre vermoulu, des montagnes de faïences peintes. Tout ce qui peut se pendre pendait du plafond dans des attitudes lamentables. En ce musée chaotique, les objets se confondaient sous une même poussière et ne semblaient tenir que par les innombrables fils dont les araignées les enveloppaient. Le père Lebeau, qui entendait à sa façon la conservation des œuvres d'art, défendait à Nanon de balayer les planchers. Le plus curieux, c'est que tout dans ce fouillis avait une figure triste ou moqueuse et vous regardait méchamment. J'y voyais un peuple enchanté de malins esprits. Le père Lebeau se tenait d'ordinaire dans sa chambre à coucher, qui était aussi encombrée que les autres, mais non point aussi poudreuse, car la vieille servante avait par exception licence d'y promener le plumeau et le balai. Une longue table couverte de petits morceaux de carton en occupait la moitié. Mon vieil ami, en robe de chambre, à ramages, et coiffé d'un bonnet de nuit, travaillait devant une table avec toute la joie d'un cœur simple. Il cataloguait. Et moi, les yeux grands ouverts, retenant mon souffle, je l'admirais. Il cataloguait sur tous les livres et les médailles. Il s'aidait d'une loupe et couvrait ses fiches d'une petite écriture régulière et serrée. Je n'imaginais pas qu'on pût se livrer à une occupation plus belle. Je me trompais. Il se trouva un imprimeur pour imprimer le catalogue du père Lebeau et je vis alors mon ami corriger les épreuves. Il mettait des signes mystérieux en marge des placards. Pour le coup, je compris que c'était la plus belle occupation du monde et je demeurai stupide d'admiration. Peu à peu, l'audace me vint et je me promis d'avoir aussi un jour des épreuves à corriger. Ce vœu n'a point été exaucé. Je le regrette médiocrement, ayant reconnu dans le commerce d'un homme de lettres, de mes amis, qu'on se lasse de tout, même de corriger des épreuves. Il n'en est pas moins vrai que mon vieil ami détermina ma vocation. Par le spectacle peu commun de son ameublement, il accoutuma mon esprit d'enfant aux formes anciennes et rares, le tourna vers le passé et lui donna des curiosités ingénieuses. Par l'exemple d'un labeur intellectuel régulièrement accompli, sans peine et sans inquiétude, il me donna dès l'enfance l'envie de travailler à m'instruire. C'est grâce à lui, enfin, que je suis devenu en mon particulier grand liseur, zélé glossateur de textes anciens, et que je griffonne des mémoires qui ne seront point imprimées. J'avais 12 ans quand mourut doucement ce vieillard aimable et singulier. Son catalogue, comme vous pensez bien, restait en placard. Il ne fut point publié. Manon vendit au brocanteur les momies et le reste, et ses souvenirs sont vieux maintenant de plus d'un quart de siècle. La semaine dernière, je vis exposée à l'hôtel Drouot une de ces petites bastilles que le patriote palois taillait en 1789 dans des pierres de la forteresse détruite et qu'il offrait moyennant salaire aux municipalités et aux citoyens. La pièce était peu rare et de maniement incommode. Je l'examinai pourtant avec une curiosité instinctive et j'éprouvai quelque émotion en lisant à la base d'une des tours cette mention à demi effacée « Du cabinet de M. Lebeau ». La grand-maman Nozière. Ce matin-là, mon père avait le visage bouleversé, ma mère affairée par les tout bas. Dans la salle à manger, une couturière cousait des vêtements noirs. Le déjeuner fut triste et plein de chuchotements. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Enfin, ma mère, tout de noir habillée et voilée, me dit « Viens, mon chéri. » Je lui demandai où nous allions. Elle me répondit « Pierre, écoute-moi bien. Ta grand-maman Nozière, tu sais, la mère de ton père, est morte cette nuit. Nous allons lui dire adieu et l'embrasser une dernière fois. » Et je vis que ma mère avait pleuré. Pour moi, je ressentis une impression bien forte, car elle ne s'est pas encore effacée depuis tant d'années, et si vague qu'il m'est impossible de l'exprimer par des mots. Je ne puis même pas dire que c'était une impression triste. La tristesse, du moins, n'y avait rien de cruel. Un mot peut-être, un seul, celui de romanesque, peut s'appliquer en quelque sorte à cette impression, qui n'était formée, en effet, par aucun élément de réalité. Tout le long du chemin, je pensais à ma grand-mère, mais je ne pus me faire une idée de ce qui lui était arrivé. Mourir. Je ne devinais pas ce que cela pouvait être. Je sentais seulement que l'heure en était grave. Par une illusion qui peut s'expliquer, je crus voir, en approchant de la maison mortuaire, que les alentours et tout le voisinage étaient sous l'influence de la mort de ma grand-mère, que le silence matinal des rues, les appels des voisins et des voisines, l'allure rapide des passants, le bruit des marteaux, du maréchal, avaient pour cause la mort de ma grand-mère. À cette idée qui m'occupait tout entier, j'associais la beauté des arbres, la douceur de l'air et l'éclat du ciel remarqué pour la première fois. Je me sentais marcher dans une voie de mystère, et quand au détour d'une rue je vis le petit jardin et le pavillon bien connu, j'éprouvai comme une déception de ne rien trouver d'extraordinaire. Les oiseaux chantaient. J'eus peur et je regardai ma mère. Ses yeux étaient fixés, avec une expression de crainte religieuse, sur un point vers lequel à mon tour je dirigeai mon regard. Alors j'aperçus à travers les vitres et les rideaux blancs de la chambre de ma grand-mère une lueur, une faible et pâle lueur qui tremblait. Et cette lueur était si funèbre, dans la grande clarté du jour, que je baissai la tête pour ne plus la voir. Nous montâmes le petit escalier de bois et nous traversâmes l'appartement, qu'emplissait un vaste silence. Quand ma mère allongea la main pour ouvrir la porte de la chambre, je voulus lui arrêter le bras. Nous entrâmes. Une religieuse assise dans un fauteuil se leva et nous fit place au chevet du lit. Ma grand-mère était là, couchée, les yeux clos. Il me semblait que sa tête était devenue lourde, lourde comme une pierre, tant elle creusait l'oreiller. Avec quelle netteté je la vis! Un bonnet blanc lui cachait les cheveux. Elle paraissait moins vieille qu'à l'ordinaire, bien que décolorée. Oh, qu'elle n'avait pas l'air de dormir! D'où lui venait ce petit sourire narquois et obstiné qui faisait tant de peine à voir? Il me sembla que les paupières palpitaient un peu, sans doute parce qu'elles étaient exposées à la clarté tremblante des deux cierges allumés sur la table, à côté d'une assiette ou un rameau de buis trempé dans l'eau bénite. « Embrasse ta grand-mère, » me dit maman. J'avançai mes lèvres. L'espèce de froid que je sentis n'a pas de nom et n'en aura jamais. Je baissai les yeux et j'entendis ma mère qui sanglotait. Je ne sais pas, en vérité, ce que je serais devenue si la servante de ma grand-mère ne m'eût pas emmenée de cette chambre. Elle me prit par la main, me mena chez un marchand de jouets et me dit « Choisis ». Je choisis une arbalète et je m'amusai à lancer des pois chiches dans les feuilles des arbres. J'avais oublié ma grand-mère. C'est le soir seulement, en voyant mon père, que les pensées du matin me revinrent. Mon pauvre père n'était plus reconnaissable. Il avait le visage gonflé, luisant, plein de feu, les yeux noyés, les lèvres convulsives. Il n'entendait pas ce qu'on lui disait et passait de l'accablement à l'impatience. Près de lui, ma mère écrivait des adresses sur des lettres bordées de noir. Des parents vinrent l'aider. On me montra à plier des lettres. Nous étions une dizaine autour d'une grande table. Il faisait chaud. Je travaillais à une besogne nouvelle, cela me donnait de l'importance et m'amusait. Après sa mort, ma grand-mère vécut pour moi une seconde vie plus remarquable que la première. Je me représentais avec une force incroyable tous ceux que je lui avais vus faire ou entendre dire autrefois, et mon père faisait d'elle tous les jours des récits qui nous la rendaient vivante, si bien que parfois, le soir, à table, après le repas, il nous semblait presque l'avoir vue rompre notre pain. Pourquoi n'avons-nous pas dit à cette chère ombre ce que dirent aux maîtres les pèlerins d'Emmaüs? Demeurez avec nous, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Oh, quel gentil revenant elle faisait avec son bonnet de dentelle à ruban vert. Il n'entrait pas dans la tête qu'elle s'accommodât d'un autre monde. La mort lui convenait moins qu'à personne. Cela va à un moine de mourir, ou encore à quelque belle héroïne. Mais cela ne va pas du tout à une petite vieille rieuse et légère, joliment chiffonnée comme était ma grand-mère Nozière. Je vais vous dire ce que j'avais découvert tout seul quand elle vivait encore. Grand-maman était frivole. Grand-maman avait une morale facile. Grand-maman n'avait pas plus de pitié qu'un oiseau. Il fallait voir le petit œil rond qu'elle nous faisait quand, le dimanche, nous partions, ma mère et moi, pour l'église. Elle souriait du sérieux que ma mère apportait à toutes les affaires de ce monde et de l'autre. Elle me pardonnait facilement mes fautes, et je crois qu'elle était femme à en pardonner de plus grosses que les miennes. Elle avait coutume de dire de moi, « Ce sera un autre gaillard que son père. » Elle entendait par là que j'emploierais ma jeunesse à danser et que je serais amoureux des 100 000 vierges. Elle me flattait. La seule chose qu'elle approuverait en moi, si elle était encore de ce monde, où elle compterait aujourd'hui 110 ans d'âge, c'est une grande facilité à vivre et une heureuse tolérance que je n'ai pas payée trop cher en les achetant au prix de quelques croyances morales et politiques. Ces qualités avaient chez ma grand-mère l'attrait des grâces naturelles. Elle mourut sans savoir qu'elle les possédait. Mon infériorité est de connaître que je suis tolérant et sociable. Elle datait du XVIIIe siècle, ma grand-mère, et elle y paraissait bien. Je regrette qu'on n'ait pas écrit ses mémoires. Quant à les écrire elle-même, elle en était bien incapable. Mais mon père n'eût-il pas dû le faire au lieu de mesurer des crânes de papous et de Bauchiman? Caroline Nozière naquit à Versailles le 16 avril 1772. Elle était fille du médecin Duhesuel, dont Cabanis estimait l'intelligence et le caractère. Ce fut Duhesuel qui, en 1786, soigna le dauphin atteint d'une légère scarlatine. Une voiture de la reine allait tous les jours à Lucienne le prendre dans sa maisonnette où il vivait pauvrement avec ses livres et son herbier, comme un disciple de Jean-Jacques. Un jour, la voiture rentra vide au palais. Le médecin avait refusé de venir. À la visite suivante, la reine irritée lui dit « Vous nous aviez donc oublié, monsieur ?» « Madame, répondit Duhesuel, vos reproches m'offensent, mais ils font honneur à la nature et je dois les pardonner à une mère. N'en doutez pas, je soigne votre fils avec humanité. Mais j'ai été retenu hier auprès d'une paysanne en couche. » En 1789, Duhesuel publia une brochure que je ne puis ouvrir sans respect, ni lire sans sourire. Cela a pour titre « Les vœux d'un citoyen » et pour épigraphe « Miseris succurrere disco ». L'auteur dit en commençant qu'il forme, sous le chaume, des vœux pour le bonheur des Français. Il trace ensuite avec candeur les règles de la félicité publique. Ce sont celles d'une sage liberté garantie par la Constitution. Il termine en signalant à la reconnaissance des hommes sensibles Louis XVI, roi d'un peuple libre, et il annonce le retour de l'âge d'or. 3 ans après, on lui guillotinait ses malades qui étaient en même temps ses amis, et lui-même, suspect de modérantisme, était conduit, sous l'ordre du comité de Sèvres à Versailles, dans le couvent des Récollets, transformé en maison d'arrêt. Il y arriva couvert de poussière et plus semblable à un vieux gueux qu'à un médecin philosophe. Il posa à terre un petit sac contenant les œuvres de Rénal et de Rousseau, se laissa tomber sur une chaise et soupira. Est-ce donc la récompense de 50 ans de vertu? Une jeune femme admirablement belle, qu'il n'avait pas vue d'abord, s'approchant avec une cuvette et une éponge, lui dit. Il est croyable que nous serons guillotinés, monsieur. Voulez-vous, en attendant, me permettre de vous laver la figure et les mains, car vous êtes fait comme un sauvage. Femme sensible, s'écria le vieux Dussuel, est-ce dans le séjour du crime que je devais vous rencontrer? Votre âge, votre visage, vos procédés, tout me dit que vous êtes innocente. Je ne suis coupable que d'avoir pleuré la mort du meilleur des rois, répondit la belle captive. Louis XVI eut des vertus, reprit mon aïeul, mais quelle n'eût point été sa gloire s'il avait été fidèle jusqu'au bout à cette sublime constitution. Quoi, monsieur? S'écria la jeune femme en agitant son éponge dégoûtante. Vous êtes un jacobin et du parti des brigands? Et quoi? Madame, vous êtes de la faction des ennemis de la France? Soupira Dussuel à demi débarbouillé. Se peut-il qu'on trouve de la sensibilité chez une aristocrate? Elle se nommait de la ville et avait porté le deuil du roi. Pendant les 4 mois qu'ils furent enfermés ensemble, elle ne cessa de quereller son compagnon et de s'ingénier à lui rendre service. Contre leur attente, on ne leur coupa point la tête. Ils furent relaxés sur un rapport du député Batelier, et madame de la ville devint par la suite la meilleure amie de ma grand-mère, qui était alors âgée de 21 ans et mariée depuis 3 ans au citoyen d'Angers, adjudant-major d'un bataillon de volontaires du Haut-Rhin. C'est un fort joli homme, disait ma grand-mère, mais je ne serais pas sûre de le reconnaître dans la rue. Elle assurait ne l'avoir jamais vu en tout plus de 6 heures en 5 fois. Elle l'avait épousé par une idée d'enfant afin de pouvoir porter une coiffure à la nation. En réalité, elle ne voulait point de mari, et lui voulait toutes les femmes. Il s'en alla, elle le laissa aller sans lui en vouloir le moins du monde. En partant pour la gloire, d'Angers laissait pour tout bien à sa femme, dans le tiroir d'un secrétaire, des reçus d'argent d'un sien frère, d'Angers de Saint-Elme, officier à l'armée de Condé, et un paquet de lettres écrites par des émigrés. Il y avait là de quoi faire guillotiner ma grand-mère et 50 personnes avec elle. Elle en avait bien quelques soupçons, et à chaque visite domiciliaire qu'on faisait dans le quartier, elle se disait « Il faudra pourtant que je brûle les papiers de mon coquin de mari ». Mais les idées lui dansaient dans la tête, et elle s'y décida pourtant un matin. Elle avait bien pris son temps. Assise devant la cheminée, elle triait les papiers du secrétaire après les avoir répandus pêle-mêle sur le canapé. Et tranquillement, elle faisait des petits tas, mettant à part ce qu'on pouvait garder, à part ce qu'il fallait détruire. Elle lisait une ligne de ci, une ligne de là, telle page ou telle autre, et son esprit, voyageant de souvenir en souvenir, picorait en route quelques brins du passé, quand, tout à coup, elle entendit ouvrir la porte d'entrée. Aussitôt, par une révélation soudaine de l'instinct, elle sut que c'était une visite domiciliaire. Elle saisit à brasser tous les papiers et les jeta sous le canapé dont la housse traînait jusqu'à terre. Et comme ils débordaient, elle les repoussa du pied sous le meuble. Une corne de lettres passait encore comme le bout de l'oreille d'un petit chat blanc quand un délégué du comité de sûreté générale entra dans la chambre avec 6 hommes de la section armés de fusils, de sabres et de piques. Madame d'Angers se tenait debout devant le canapé. Elle songeait que la certitude de sa perte n'était pas tout à fait entière, qu'il lui restait une petite chance sur 1000 et 1000, et ce qui allait se passer l'intéressait extrêmement. « Citoyenne, lui dit le président de la section, tu es dénoncée comme entretenant une correspondance avec les ennemis de la République. Nous venons saisir tous tes papiers. » L'homme du comité de sûreté générale s'assit sur le canapé pour écrire le procès-verbal de la saisie. Alors, ces gens fouillèrent tous les meubles, crochetèrent les serrures et vidèrent les tiroirs. N'y trouvant rien, ils défoncèrent les placards, culbutèrent les commodes, retournèrent les tableaux et crevèrent à coups de baïonnette les fauteuils et les matelas, mais ce fut en vain. Ils éprouvèrent les murs à coups de crosse, explorèrent les cheminées et firent sauter quelques lames du parquet. Ils y perdirent leur peine. Enfin, après 3 heures de fouilles infructueuses et de ravages inutiles, lassés, désespérés, humiliés, ils se retirèrent en promettant bien de revenir. Il ne s'était pas avisé de regarder sous le canapé. Peu de jours après, comme elle revenait de la comédie, ma grand-mère trouva à la porte de sa maison un homme décharné, blême, défiguré par une barbe grise et sale, qui se jeta à ses pieds et lui dit « Citoyenne d'Angers, je suis Alcide, sauvez-moi !» Elle le reconnut alors. « Mon Dieu !» lui dit-elle. « Se peut-il que vous soyez monsieur Alcide, mon maître à danser ? En quel état vous revois-je, monsieur Alcide ?»« Je suis proscrit, citoyenne, sauvez-moi !»« Je ne puis que l'essayer, je suis moi-même suspecte et ma cuisinière est jacobine. Suivez-moi, mais veillez à ce que mon portier ne vous voie pas, il est officier municipal. » Ils montèrent l'escalier, et cette bonne petite madame d'Angers s'enferma dans son appartement avec le déplorable Alcide qui grelottait la fièvre et répétait en claquant des dents « Ça ira, ça ira !» Le portier m'a dit qu'un scélérat du nom d'Alcide est recherché dans la section et que vous pouvez vous attendre à une visite domiciliaire cette nuit. Alcide, entre deux matelas, entendait ses douceurs. Il fut pris, après le départ de Zoé, d'un tremblement nerveux qui secouait tout le lit et sa respiration devint si pénible qu'elle emplissait toute la chambre d'un sifflement strident. « Voilà qui va bien !» se dit la petite madame d'Angers. Et elle mangea son aile de poulet et passa au triste Alcide deux doigts de vin de Bordeaux. « Ah, madame ! Ah, Jésus !» s'écriait Alcide. Et il se mit à geindre avec plus de force que de raison. « Ah, merveille !» se dit madame d'Angers. « La municipalité n'a qu'à venir !» Elle en était là de ses pensées quand un bruit de crosse tombant lourdement à terre ébranla le palier. Zoé introduisit 4 officiers municipaux et 30 soldats de la garde nationale. Alcide ne bougeait plus et ne faisait plus entendre le moindre souffle. « Levez-vous, citoyenne !» dit un des gardes. Un autre objecta que la citoyenne ne pouvait s'habiller devant les hommes. Un citoyen, voyant une bouteille de vin, la saisit, y goûta, et les autres burent à la régalade. Un joyeux compère s'assit sur le lit et prenant le menton de madame d'Angers. « Quel dommage qu'avec une si jolie figure, elle soit une aristocrate et qu'il faille couper ce petit coup-là. »« Allons, » dit madame d'Angers, « je vois que vous êtes des gens aimables. Faites vite et cherchez tout ce que vous avez à chercher, car je meurs de sommeil. » Ils restèrent 2 mortelles heures dans la chambre. Ils passèrent 20 fois l'un après l'autre devant le lit et regardèrent s'il n'y avait personne dessous. Puis, après avoir débité 1000 impertinences, ils s'en allèrent. Le dernier avait à peine tourné les talons que la petite madame d'Angers, la tête dans la ruelle, appela « Monsieur Alcide ! Monsieur Alcide !» Une voix gémissante répondit « Ciel, on peut nous entendre, Jésus, madame, ayez pitié de nous !» poursuivait ma grand-mère. « Quelle peur vous m'avez faite ! Je ne vous entendais plus, je croyais que vous étiez mort, et à l'idée de coucher sur un mort, j'ai pensé 100 fois m'évanouir. Monsieur Alcide, vous n'en usez pas bien à mon égard. Quand on n'est pas mort, on le dit, vertu bleue. Je ne vous pardonnerai jamais la peur que vous m'avez faite. » Ne fut-elle pas excellente, ma grand-mère, avec son pauvre monsieur Alcide ? Elle l'alla cacher le lendemain à Meudon et le sauva gentiment. On ne soupçonnerait pas la fille du philosophe Dussuel d'avoir cru facilement au miracle, ni de s'être aventurée sur les confins du monde surnaturel. Elle n'avait pas un brin de religion, et son bon sens, un peu court, s'offensait de tout mystère. Pourtant, cette personne si raisonnable racontait à qui voulait l'entendre un fait merveilleux dont elle avait été témoin. En visitant son père au Récollet de Versailles, elle avait connu madame de Laville, qui y était prisonnière. Quand cette dame fut libre, elle alla habiter rue de Lancry, dans la même maison que ma grand-mère. Les deux appartements donnaient sur le même palier. Madame de Laville habitait avec sa jeune sœur nommée Amélie. Amélie était grande et belle. Son visage pâle, décoré d'une chevelure noire, avait une incomparable beauté d'expression. Ses yeux, chargés de langueur ou de flamme, cherchaient autour d'elle quelque chose d'inconnu. Chanoinesse au chapitre séculier de l'Argentière, en attendant un établissement dans le monde, Amélie avait éprouvé, disait-on, dès le sortir de l'enfance, les douleurs d'un amour qui ne fut point partagé et qu'elle fut obligée de taire. Elle paraissait accablée d'ennui, il lui arrivait de fondre en larmes sans raison apparente. Tantôt elle restait des journées entières dans une immobilité stupide, tantôt elle dévorait des livres de dévotion. Mordue par ses propres chimères, elle se tordait dans d'indicibles souffrances. L'arrestation de sa sœur, le supplice de plusieurs de ses amis, guillotinés comme conspirateurs, et d'incessantes alertes achevèrent de ruiner sa constitution ébranlée. Elle devint d'une maigreur effrayante. Les tambours qui appelaient tous les jours les sections aux armes, les bandes de citoyens en bonnet rouge et armés de piques qui défilaient devant ses fenêtres en chantant le « Ça ira », la jetaient dans une épouvante que suivaient des alternatives de torpeur et d'exaltation. Des troubles nerveux se manifestèrent avec une force terrible et produisirent des effets étranges. Amélie eut des songes dont la lucidité étonna ceux qui l'entouraient. Errant la nuit, éveillée ou endormie, elle entendait des bruits lointains, des soupirs de victimes. Parfois, debout, elle étendait le bras et, montrant dans l'ombre quelque chose d'invisible, elle prononçait le nom de Robespierre. Elle a, disait sa sœur, des pressentiments certains et elle prophétise les malheurs. Or, dans la nuit du 9 au 10 Thermidor, ma grand-mère se tenait, ainsi que son père, dans la chambre des deux sœurs. Ils étaient tous quatre fort agités, résumant les graves événements de la journée et s'efforçant d'en deviner l'issue. Le tyran décrété d'arrestation, conduit au Luxembourg et refusé par le concierge, mené ensuite au bureau de la police sur le quai des Orfèvres, puis délivré par la commune et porté à l'hôtel de ville. Y était-il encore et dans quelle attitude humiliée ou menaçante? Ils éprouvaient tous quatre une grande anxiété et n'entendaient rien, sinon par intervalle, le galop des estafettes d'Henriot qui brûlaient le pavé des rues. Ils attendaient, échangeant par moments un souvenir, un doute, un vœu. Amélie restait silencieuse. Tout à coup, elle poussa un grand cri. Il était 1h30 du matin. Penchée sur une glace, elle semblait contempler une scène tragique. Elle disait « je le vois, qu'il est pâle. Le sang s'échappe à flots de sa bouche, ses dents et ses mâchoires sont brisées. Louange, louange à Dieu, le buveur de sang ne boira plus que le sien. » En achevant ces paroles, qu'elle prononçait sur une étrange mélopée, elle poussa un cri d'horreur et tomba à la renverse. Elle avait perdu connaissance. À ce moment même, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville, Robespierre recevait le coup de pistolet qui lui brisa la mâchoire et mit fin à la terreur. Ma grand-mère, qui était un esprit fort, croyait fermement à cette vision. Comment expliquez-vous cela? Je l'explique en faisant remarquer que ma grand-mère, pour esprit fort qu'elle était, croyait assez au diable et au loup-garou. Jeune, toute cette sorcellerie l'amusait, et elle était, comme on dit, une grande faiseuse d'almanach. Plus tard, elle prit peur du diable, mais il était trop tard. Il la tenait, et elle ne pouvait plus n'y pas croire. Le 9 Thermidor rendit la vie supportable à la petite société de la rue de l'Ancrie. Ma grand-mère goûta fort ce changement, mais il lui fut impossible de garder rancune aux hommes de la Révolution. Elle ne les admirait pas, elle n'a jamais admiré que moi. Mais elle n'avait point de haine contre eux. Il ne lui vint jamais en tête de leur demander compte de la peur qu'ils lui avaient faite. Cela tient peut-être à ce qu'il ne lui avait point fait peur. Cela tient surtout à ce que ma grand-mère était une bleue dans l'âme. Et comme on dit à l'autre, les bleus sont toujours les bleus. Cependant, danger poursuivait, à travers tous les champs de bataille, sa belle carrière. Toujours heureux, il était en grand uniforme, à la tête de sa brigade quand il fut tué d'un boulet de canon le 20 avril 1808 dans le beau combat d'Abensberg. Ma grand-mère apprit par le moniteur qu'elle était veuve et que le brave général d'Angers était enseveli sous les lauriers. Elle s'écria « Quel malheur! Un si bel homme !» Elle épousa l'année suivante M. Hippolyte Nozières, commis principal au ministère de la Justice, homme pur et jovial, qui jouait de la flûte de 6 à 9 heures du matin et de 5 à 8 heures du soir. Ce fut cette fois un mariage pour de bon. Ils s'aimaient, et n'étant plus jeunes, ils surent être indulgents l'un pour l'autre. Caroline pardonna à Hippolyte son éternelle flûte, et Hippolyte passa à Caroline toutes les lunes qu'elle avait dans la tête. Ils furent heureux. Mon grand-père Nozières est l'auteur d'une statistique des prisons, Paris, Imprimerie Royale, 1817-1819, 2 volumes, in 4. Et Les filles de Momus, chanson nouvelle, Paris, chez l'auteur, 1821, in 18. La goutte lui fit grand guerre, mais elle ne put lui ôter sa gaieté, même en l'empêchant de jouer de la flûte. Finalement, elle l'étouffa. Je ne l'ai jamais connu, mais j'ai là son portrait. On l'y voit en habit bleu, frisé comme un agneau, et le menton perdu dans une cravate immense. Je le regretterai jusqu'à mon dernier jour, disait à 80 ans ma grand-mère, veuve alors depuis une quinzaine d'années. Vous avez bien raison, madame, lui répondit un vieil ami. Nozières avait toutes les vertus qui font un bon mari. Toutes les vertus et tous les défauts, s'il vous plaît, reprit ma grand-mère. Pour être un époux accompli, madame, il faut donc avoir des défauts? Pardi, fit ma grand-mère en haussant les épaules. Il faut n'avoir pas de vice, et c'est un grand défaut, cela. Elle mourut le 4 juillet 1853, dans sa 81e année.